À l'occasion de la journée de la brillante étoile, des organisations et des personnalités de divers pays ont fait parvenir les corbeilles de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. Ce sont le comité préparatoire japonais et le comité préparatoire du département de Gunma pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, le conseil du département de Nagano pour le soutien à la réunification indépendante et pacifique de la Corée, l'Association pour les échanges de la science et de l'enseignement nippo-coréen, le conseil du département de Fukushima pour l'amitié nippo-coréenne, l'Association de liaison de Sikoku pour l'amitié nippo-coréenne, l'Assemblée populaire du département de Hiroshima pour l'amitié nippo-coréenne, le comité préparatoire américain pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017, le lycée Yuen de Jilin de Chine, la famille de Zhang Weihua, martyr chinois révolutionnaire anti-japonais, et Oswaldo Rariba Alvarado, président du comité équatorien de souvenirs du généralissime Kim Jong-il. Le comité préparatoire africain pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017 et le comité africain séjour au Nigeria pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen ont fait parvenir en commun une corbeille.